Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Sous les pavés, la terre, les revendications paysannes au XXe siècle. Voilà le thème que nous traitons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Et en préparant cette émission, nous nous sommes amusés avec toute l'équipe du cours de l'histoire à rechercher nos origines paysannes. À Toscane, c'est Cognac. À Cognac, il y a du vignoble. Aurore, la Bretagne. Perret, le sud-ouest, mais aussi un peu la Picardie. On trouve de la betterave. Camille, c'est l'Ardèche. Vive les vignerons. Il y en a plein dans la famille. Anaïs Kien, c'est l'Alsace. Elle se souvient de la ferme de ses cousins. Pour Milena, c'est la Suisse. Là, nous sommes dans l'agriculture de montagne. Pour Marion aussi, il y a de la culture, beaucoup de culture. Pour ma part, c'est en Normandie, évidemment. Je sais où se trouve la ferme de famille. Je vais voir mes cousins. Il y a de l'élevage, oui, sous les pavés, la terre. Nous venons tous du monde de l'agriculture, plus ou moins du monde de l'agriculture. Mais grâce à cette culture, nous nous retrouvons sur France Culture. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, il faut nourrir le peuple, que la population mange à sa faim est une nécessité. Nous sommes allés à la recherche de la première graine plantée, du premier animal domestiqué et des conséquences sociales de l'agriculture avec un écho jusqu'à nos jours, en tout cas jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle et puis le XXe siècle qui change tout. Nous avons partagé le pain avec Stephen Kaplan. Stephen Kaplan, historien du pain, que vous pouvez retrouver avec Caroline Brouet dans Les Bonnes Choses, c'est dimanche à 12h. Et puis toutes ces émissions, vous pouvez les écouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en baladodiffusion, le podcast. Et puis n'hésitez pas à les commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, sous les pavés, la terre, oui, les revendications paysannes du XXe siècle, à travers le portrait d'un ministre paysan, d'un paysan ministre, c'est Tanguy Prigent. Nous allons en parler avec vous, Christian Boujard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Bretagne occidentale, c'est à Brest. Vous êtes l'auteur de Tanguy Prigent, un paysan ministre, et puis également des années 68 en Bretagne. Tout ça, c'est aux presses universitaires. Alors, pour les années 68 en Bretagne de France et pour Tanguy Prigent de Rennes. Christian Boujard, vous pourriez nous présenter en quelques mots Tanguy Prigent, qui étonnamment est oublié alors qu'il est une figure importante du monde paysan et du monde politique. Alors Tanguy Prigent, c'est un petit fermier finistérien qui effectivement a une destinée assez exceptionnelle puisqu'il devient ministre de l'agriculture du général de Gaulle en 1944. Il est né dans une famille de petits propriétaires de Saint-Jean-du-Doigt dans le pays de Morlaix, dans une ferme, dans une commune côtière. Et c'est, je dirais, un petit peu un produit de la République, de la méritocratie républicaine. Il n'a pas fait d'études, il a son certificat d'études, mais c'est quelqu'un qui aspirait au savoir, qui aurait souhaité d'ailleurs devenir sans doute enseignant, mais son père, paysan, s'y est opposé. Et il est devenu ministre. Parce que... Alors, il est devenu ministre grâce à ses engagements socialistes. Grâce à ses engagements. C'est un parcours magnifique, celui de Tanguy Prigent. Nous allons en parler et nous allons nous reposer, en fait, sur ce parcours pour essayer de comprendre les revendications paysannes au XXe siècle. Nous allons en parler également avec vous, Edouard Lynch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2. Vous êtes l'auteur d'ouvrages Insurrection paysanne, de la terre à la rue, usage de la violence au XXe siècle, et puis de Moisson rouge, le socialisme français et la société paysanne durant l'entre-deux-guerres, 1918-1940. Évidemment, vous avez croisé dans vos travaux Tanguy Prigent, obligatoirement, c'était une figure du monde paysan par son action militante et puis après ministre. Tout à fait, et aussi par l'histoire des mobilisations paysannes, puisque Tanguy Prigent a incarné dans les années 1930, je dirais, l'apogée de l'affrontement entre une partie de la droite catholique et d'extrême droite et la gauche socialiste. Et je rajouterais que Tanguy Prigent, c'est aussi, à travers l'histoire du Parti Socialiste, une des premières figures d'hommes politiques qui sont directement issus du monde agricole, qui ne sont pas des propriétaires, qui ne sont pas des exploitants. Et à ce titre-là aussi, sa trajectoire est absolument exceptionnelle. Eh bien, cette trajectoire, nous allons en parler dans le cours de l'histoire sur France Culture, mais le mieux est de laisser la parole à notre héros du jour. C'est Tanguy Prigent. Écoutez-le lors d'une allocution radio diffusée, c'était le 17 novembre 1944. Oui, c'est la voix de Tanguy Prigent. C'est dans ma Bretagne natale, où je pouvais à nouveau circuler librement, que j'appris ma nomination au ministère de l'Agriculture. En choisissant un paysan pour diriger l'agriculture, le général de Gaulle entendait rendre un hommage mérité à tous les paysans de la France résistante. De ce poste, je mesure mieux encore la grandeur et l'importance de la tâche qu'il convient d'accomplir. Pour la mener à bien, j'entends rester fidèle au programme élaboré par notre résistance paysanne, au temps de l'action clandestine que nous avions entreprise contre l'occupant et contre la corporation instituée par l'usurpateur de Vichy. Dans la nuit de l'oppression, nous avions jeté les bases d'une grande organisation professionnelle, la Confédération Générale de l'Agriculture, qui s'est organisée au grand jour dès la libération. Cette CGA désire grouper tous les paysans, sans se préoccuper de leurs opinions politiques ou de leurs croyances religieuses. Un important accord vient d'être conclu dans ce sens entre les représentants de diverses organisations à cadre national. C'est une grande et bonne nouvelle pour les paysans syndicalistes et coopérateurs qui vont enfin pouvoir s'organiser et défendre leur belle profession en dehors de toute intervention des hobereaux, des spéculateurs et des partis politiques. La voix de Tanguy Prigent lors d'une allocution radiodiffusée, c'était en novembre 1944, donc on est à un moment important de notre histoire, c'est juste après la guerre. Tanguy Prigent, cette voix rocailleuse, et puis ce vocabulaire, hein, il parle d'hobereau, mais il est breton, il évoque dès le début sa Bretagne natale. Dites-nous, Christian Boujard, Tanguy Prigent donc vient d'un milieu de paysans, quel est-il ? Alors, c'est un milieu donc de petits fermiers, de petits propriétaires. Vous avez évoqué son accent. Il faut préciser que Tanguy Prigent parle le breton, naturellement, qu'une partie de ses meetings en Bretagne, en Basse-Bretagne, se font en breton. Et véritablement, lorsqu'il met en place la CGA, il parcourt en 1944-1945 toute la France. Il fait des milliers de kilomètres. Il tient de nombreuses réunions et meetings. Et il défend cette idée qui est née dans la résistance, il vous l'a dit, il nous le dit dans cet extrait, parce que Tanguy Prigent a mené un double combat sous l'occupation, à la fois, je dirais, un combat légal, public, assez étonnant d'ailleurs, contre la corporation de Vichy et contre, entre guillemets, son ennemi qui est Hervé Butte de Guévrillan, qui est un grand agrarien qui représente l'office central de Landerneau. Et il a ensuite clandestinement contribué à organiser la résistance en Bretagne et dans l'ouest de la France à Libération Nord. Alors c'est vrai que ce personnage de Tanguy Prigent devient résistant, mais pour comprendre comment il en est venu à résister, paysan devenu militant, devenu ensuite résistant, qui n'est pas un parcours typique, d'ailleurs il devient ministre, ce qui n'est pas rien, il faut retourner à ce monde de l'agriculture du début du XXe siècle, celui dont il est issu. Dites-nous, Edouard Lynch, quelles sont les revendications paysannes au début du XXe siècle, c'est-à-dire que la République maintenant est bien ancrée, nous avons un monde paysan qui est essentiel parce que les politiques portent une grande attention à l'agriculture qui représente une part essentielle de l'économie. Quelles sont les revendications paysannes au début du XXe siècle ? Alors, il faut dire qu'avant 1914, ces revendications sont relativement fragmentaires et éclatées. Les revendications paysannes, y compris au sein de la République, restent relativement captées par la médiation du suffrage universel et de ces fameux hobereaux qui sont de droite mais qui peuvent aussi être de gauche. Les petits nobles. Les petits nobles et les notables républicains. Et du coup, durant cette période, les agitations sont assez sporadiques. On peut en isoler deux. Les premières, c'est celles qui sont liées à l'émergence du socialisme ouvrier dans les campagnes. Et donc, il s'agit là des ouvriers agricoles, hein, qui sont extrêmement actifs. Je pense par exemple aux bûcherons des forêts du Massif central. On peut penser aussi bien sûr aux ouvriers viticoles. Donc on est dans des luttes classiques de lutte des classes, hein, des grèves qui sont relativement importantes. Donc ça c'est un premier mouvement. Et puis le second mouvement, beaucoup plus original, c'est celui des exploitants. Donc les exploitants, c'est ce terme par lequel on englobe à la fois les petits propriétaires, mais aussi les fermiers, les métayers. Et eux, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, parce que leur statut est un statut autonome, indépendant, et la lutte, on ne sait pas très bien contre qui l'a menée. Donc il y a quelques aspects sporadiques, mais c'est vrai que le mouvement qui a incarné, je dirais, l'entrée de la paysannerie dans la modernité, c'est le mouvement de 1907. C'est le mouvement de 1907 qui est une revendication finalement assez classique du monde agricole sur les prix. Hein, les prix, parce que les prix de la vigne, les prix du vin s'effondrent à la fois avec de la surproduction et surtout de la concurrence, et du coup, les agriculteurs se tournent vers l'État, les viticulteurs se tournent vers l'État pour demander une forme de protection, notamment de protection de la qualité du vin. Et ça donne lieu aux premières manifestations de masse de l'histoire de l'agriculture. Hein. C'est des centaines de milliers de personnes qui battent le pavé pendant plusieurs mois. Hein. Ça se finit tragiquement par des fusillades et des morts. Mais c'est un mouvement extrêmement important. Et justement, Edouard Lynch, nous allons écouter un témoignage sur ces vignerons, hein, de 1907 qui a été enregistré en juin 1987. Donc on est vraiment dans du témoignage lointain. C'était sur France Inter dans l'émission Chronique Sauvage. On ne vendait le vin que 3 ou 4 francs l'hecto et il y avait une misère noire dans le pays. Vous vous souvenez, lorsque vous étiez enfant, un petit peu comment se traduisait cette misère? Ah oui, elle se traduisait par des emprunts. Tout le monde était endetté. Chez moi, ma mère m'envoyait prendre le pain avec une marque. On payait le pain qu'à la fin du mois et encore difficilement. On payait au moment des vendanges, quand on pouvait récupérer quelques sous de plus en vendangeant. C'était une misère noire. Et cette misère était créée par les fraudeurs qui faisaient du vin de sucre. Dans le Nord, les sucriers du Nord avaient trouvé le moyen par la chaptalisation de faire du vin de sucre. Et alors notre vin ne se vendait pas, le vin de sucre se vendait. Alors tout le midi était appauvri et ruiné. Ici, les gros propriétaires comme les ouvriers, tout le monde était dans la peine. Et il y avait une misère noire. C'est ce qui a créé le mouvement. Une misère noire pour les vignerons en 1907. Ce témoignage évoque les fraudeurs. Les fraudeurs, le vin de sucre. Edouard Lynch, nous voyons bien ici avec cette évocation des fraudeurs qu'il y a en négatif la demande d'une intervention de l'État. Limiter les fraudeurs. Très clairement, et ça sera une des caractéristiques finalement du mouvement, de tout le mouvement contestataire de la paysannerie, les paysans ne se tournent rarement entre eux, petits contre gros ou ouvriers contre propriétaires, même si ça existe, et ils se tournent surtout envers l'État, hein, pour demander par exemple du protectionnisme en matière de blé, pour éviter la concurrence, ou dans le cas des produits alimentaires, garantir la sécurité du marché. Ce vin de fraude, en fait, il s'explique par le fait que le Midi avait été traversé depuis les années 1800, enfin l'ensemble de la production viticole par le phylloxéra, donc en fait il n'y avait plus de vin pendant des décennies, et du coup une partie du vin produit était produit effectivement à partir de raisins secs et de sucre et venait concurrencer. Le problème, c'est quand le vignoble a été reconstitué, eh bien ce vin est entré en concurrence avec le vrai vin, et les viticulteurs ont protesté et ils ont obtenu, c'est extrêmement important, c'est de là que datent les premières loi de protection contre la fraude alimentaire. Et bon, il y a une loi en 1905, mais elle est surtout mise en place dans ces années-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un produit agricole de qualité et comment le protéger. Edouard Lynch, dans Insurrection paysanne, de la terre à la rue, usage de la violence au XXe siècle, donc là nous pouvons évoquer de la violence, hein, pour ces mouvements paysans, en tout cas vignerons au début du XXe siècle. Vous soulignez le problème qui est essentiel pour comprendre ces mouvements paysans, l'ouvrier peut se soulever contre son patron. C'est au moins direct et il sait à qui il a affaire. Le paysan, lui, qui est dans sa ferme, ne peut pas se soulever contre lui-même. Il est son propre patron. Donc, il est obligé d'en appeler à l'État. Tout à fait, c'est vraiment un obstacle absolument, absolument essentiel. Et il faut aussi comprendre que on a parlé tout à l'heure de la mise en place de la République, hein, qu'on est dans un système de représentation avec des délégués, des députés. Donc il y a des formes, je dirais, pacifiées de revendications. On va faire pression pour obtenir un certain nombre de choses. Et si on prend l'exemple du protectionnisme qui est mis en place dans les années 1890, il est mis en place sans aucune manifestation. Ce sont les députés, notamment des députés qui sont grands propriétaires et producteurs de beaucoup de blé, qui instaurent ce mécanisme. Et donc, on se tourne vers l'État pour obtenir de la protection. Et on le verra aussi dans les années 1930, où on se tournera vers l'État pour justement réguler à nouveau et de façon plus sérieuse, puisque les importations ne suffisent pas. Dites-nous, Christian Boujard, donc nous parlons de ce personnage, de Tanguy Prigent, qui est né en Bretagne en 1909, ce petit paysan, il est destiné à reprendre l'exploitation de son père, sans doute, s'oriente vers l'action militante. Comment on explique ce choix de devenir un militant? Donc, il est né en 1909, hein, 10 ans, 20 ans plus tard, dans les années 20, il se met à agir. Pourquoi il a fait ces choix-là? Alors, il est né d'abord dans une famille républicaine, en Pays Bleu, hein, une région donc de tradition plutôt de gauche, dans ce Trégor finistérien. Son père était au Parti Socialiste SFIO et lui-même, à 15 ans, va créer une section socialiste dans sa commune de Saint-Jean-du-Doigt. Ce qui frappe, si vous voulez, c'est sa précocité militante, c'est son engagement sur le terrain agricole. Quand il se marie, quand il s'établit, il devient fermier, alors que son père était propriétaire. Il prend une ferme avec son épouse. Et puisqu'on parlait tout à l'heure des problèmes de crise économique, dans la Grande Dépression des années 30, Tanguy Prigent se fait connaître en créant d'abord une petite coopérative agricole contre Landerneau, contre le grand système agrarien dont je parlais tout à l'heure. Il crée un syndicat agricole qui va s'affilier à la Confédération nationale paysanne, donc proche du Parti socialiste. Et du coup, il s'engage aussi électoralement, ce qui est assez étonnant. Il est élu conseiller général alors qu'il n'a pas encore 25 ans, en 1934. Et dès 1936, il devient député socialiste de Morlaix. Donc il est dans un terroir quand même assez favorable à la gauche, alors qu'à côté, dans le Léon, c'est une région très catholique, très conservatrice, très à droite. Et puis donc sa famille, hein, vous l'avez rappelé, Christian Boujard, c'est-à-dire qu'il y a la conscience républicaine, la République est là, et avec l'école, elle éduque les enfants. Nous sentons bien, le mot a été prononcé, hein, cette crise qui commence en 1929, fait bouger les lignes, évidemment, de l'économie. Nous allons écouter justement, alors c'est toujours troublant, c'est une archive de 1929, donc là on est sur du très long témoignage, j'avais même du vrai document de 1929, c'est Adéoda Compère Morel, député du Gard, donc député du Gard de 1909 à 1936, qui s'exprime et qui est enregistré donc en 1929. Ce que nous voulons, en rendant la terre à celui qui la cultive pour le compte d'autrui, en maintenant la propriété dans les mains de celui qui la féconde de son labeur, en cherchant à venir en aide aux petits exploitants agricoles, c'est assurer à nos campagnards un droit de propriété définitif et les entraîner à des formes supérieures de travail et vers un stade de civilisation plus élevé. Quant à préciser d'une façon certaine quelles seront les modalités exactes de l'exploitation agricole de demain, c'est inutile. Pour que la terre donne tout ce qu'elle est susceptible de donner, il faut qu'elle appartienne à ceux qui l'exploitent. Adéoda Compère Morel, qui s'exprimait en 1929 et qui évoque, c'est essentiel, la notion de propriété. Dites-nous, Edouard Lynch, il faut toujours rappeler les choses, c'est essentiel. Quelle différence, fermage, métayage, comment ça se construit la propriété ou en tout cas le travail de l'agriculteur, du paysan? Alors, Tout simplement, c'est la différence quand on parle d'un exploitant agricole. Il peut exploiter sa propre terre, donc il est propriétaire exploitant, et voilà, il en tire des revenus. En revanche, il y a aussi les exploitants indirects, c'est-à-dire qui exploitent une terre qu'ils prennent en location. Et là, cette location, elle peut prendre deux formes, soit une forme qui s'appelle le fermage, c'est-à-dire que la terre est louée chaque année, enfin pour des baux plus longs, mais en échange d'un loyer en argent, alors que dans le cadre du métayage, elle est louée en échange d'un loyer en nature, c'est-à-dire d'une portion de la récolte. Alors les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients, mais il est évident que dans les périodes de difficultés, ces petits exploitants fermiers et métayers peuvent être soumis à une pression plus forte. J'ajouterais surtout que ce texte de Comte-Père Morel date de 1929, donc on est avant la crise, puisque la crise vraiment, elle commence à toucher les campagnes françaises plutôt à partir de 31-32, et là il est dans un discours qui est beaucoup plus classique, qui se rapporte à l'histoire du Parti Socialiste et de l'agriculture un petit peu avant, où il faut sans cesse défendre l'idée que le Parti Socialiste n'est pas collectiviste. Hein, c'est le grand trauma, évidemment, des socialistes. Ils ont les communistes sur leur gauche et les républicains et les modérés sur leur droite, qui les accusent d'être des horribles partageux qui veulent prendre la terre et faire de l'exploitation collective. Et tout le travail de Comte-Père Morel pendant les 20 ans qu'il va occuper la responsabilité de s'occuper des questions agraires, c'est de répéter sans arrêt que, bien sûr, le parti ne prendra pas la terre aux paysans, qu'il la rendra aux paysans, et notamment par ces fameuses formes coopératives, donc on va créer un système coopératif collectif qui n'est pas de la collectivisation, mais qui n'est pas l'exploitation du plus grand, des plus gros par les plus petits, par les plus gros. Édouard Lynch, vous avez écrit Moisson Rouge, les socialistes français et la société paysanne durant l'entre-deux-guerres, donc vous connaissez bien Comte-Père Morel. Comment se construisent les revendications paysannes durant l'entre-deux-guerres? C'est-à-dire qu'il y a un changement avec l'arrivée de la crise en France, donc au début des années 1930. Les revendications sont les mêmes toujours? La distinction vraiment profonde, hein, c'est que dans les années 20, la situation est plutôt correcte. Là aussi, comme on aura pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, les périodes de conflit sont des périodes de cherté, donc les campagnes s'en portent mieux. Hein, ça ne veut pas dire qu'elles n'en subissent pas les conséquences. Et du coup, les années 20 sont plutôt des années relativement calmes du point de vue de la protestation. En revanche, la crise des années 30 est extrêmement profonde, et notamment parce qu'elle se traduit par l'effondrement du prix du blé, du vin, hein, le prix du blé, hein, qui tombe de 200 francs en 1929 à 50 francs en 1935. Hein. Or, la plupart des exploitants en France produisent une petite quantité de blé qui leur permet d'accéder au marché et d'avoir des revenus. Donc c'est vraiment une crise profonde, et du coup, les revendications paysannes vont se centrer sur la question des prix. Or, on ne peut plus faire de protectionnisme, puisque le protectionnisme existe déjà et qu'on est en phase de surproduction interne. Et du coup, les socialistes vont développer, hein, Comte-Père Morel en particulier, et puis son successeur qui sera Georges Monnet, vont développer une solution d'intervention de l'État, hein, qui est l'Office du blé, donc qui est le principe de contrôler l'ensemble de la production du blé, de l'évaluer, de la stocker et d'imposer un prix minimum. Et ça sera vraiment le cœur de la lutte dans ces années 1930, un point de clivage important et sur lequel justement des militants comme Tanguy Prigent, à travers l'exemple de sa coopérative et de ses mobilisations collectives, joueront un rôle absolument essentiel. Dites-nous, Christian Boujard, dans ces revendications paysannes, il y a de l'action donc qui peut être de l'action type manifestation et puis de l'action militante. C'est ce que fait Tanguy Prigent. Comment se construit son discours autour de l'évolution du monde de l'agriculture dans ces années 1930? Alors, son discours consiste à reprendre ce que Édouard Lynch expliquait à l'instant, mais au-delà du discours, ce sont ses actions qui le font d'ailleurs connaître pendant la crise. Je dirais action-intervention sur le terrain de deux types. D'une part, à plusieurs reprises, les socialistes, les agriculteurs et aussi quelques communistes interviennent dans les campagnes contre les ventes saisies, donc pour s'opposer justement à l'expulsion de fermiers qui ne peuvent plus payer leurs baux du fait de la crise. Donc c'est un élément important. Et dans cette opposition sur le terrain, il va se heurter à l'extrême droite paysanne et à Henri Dalloin d'Orgères, ce qu'on va appeler le d'Orgérisme, où cette ligue d'extrême droite s'appuie sur la crise pour attaquer la République, pour tenter de déstabiliser le régime. Et donc, Tanguy Prigent et les militants de sa région vont sur le terrain s'opposer aux dorgéristes, qui eux aussi sont parfois présents contre les ventes saisies. Et c'est en 1934-1935 qu'il devient très très connu dans son Finistère. Parce qu'il va sur le terrain, il n'hésite pas à affronter, je dirais, physiquement Dorgère, qui lui est basé en Ille-et-Vilaine et qui a créé des comités de défense paysanne dans la région et ensuite d'ailleurs dans tout le pays. Et c'est ainsi que Tanguy Prigent, en défendant ses idées, se fait connaître et va se faire élire très très rapidement. Alors c'est vrai que dans la vision souvent extrêmement cliché d'un monde paysan conservateur, aujourd'hui en vous écoutant Édouard Lynch, Christian Boujard, nous voyons bien que le monde paysan, je veux dire l'action politique dans le monde paysan est en écho à ce qui se passe dans le monde, enfin dans la France en général. Et justement, je vais vous faire écouter un autre document. Et là, c'est un document qui vient des fins fonds de l'Institut National de l'Audiovisuel. Il date de juillet 1936. Vous l'avez évoqué, Édouard Lynch, le nom de ce personnage, c'est Georges Monnet, ministre de l'Agriculture. Après avoir obtenu de la Chambre, dans un délai record, le vote de loi qui intéresse plus particulièrement les salariés, le gouvernement va donc s'attacher à obtenir du Parlement le vote d'une législation qui garantira au monde rural le bien-être et la sécurité dans le travail. Il est indispensable de faire cesser l'anarchie qui règne dans les marchés agricoles. Il est intolérable de voir les prix du blé s'établir à 55 francs au mois d'août et doubler presque de valeur au cours de la campagne. En face des grands trusts qui dominent les marchés agricoles, il est nécessaire d'organiser la discipline collective des producteurs. Georges Monnet, ministre de l'Agriculture, en juillet 1936, qui évoque l'anarchie qui règne dans les marchés agricoles. Édouard Lynch, un commentaire sur un document comme celui-ci. C'est vraiment l'anarchie et il y a une volonté simplement d'intervention de l'État pour permettre de fluidifier le marché. C'est la question du marché du blé est assez complexe. Comme je vous le dis tout à l'heure, on est plutôt dans une phase de surproduction à la fois interne et externe. Donc les marchés sont très tendus. Et ce qui se passe en fait, c'est que la mise en marché du blé entraîne des fluctuations de prix très importantes. C'est-à-dire que au début de la récolte, tout le blé est sur le marché, notamment celui des petits qui ne peuvent pas stocker. Et du coup, le prix du blé s'effondre. Et puis dans les mois qui viennent, parce qu'on a très peu de connaissances sur l'exactitude de la quantité de récolte, etc. Et dans les mois qui viennent, il arrive très fréquemment que le prix remonte, parce qu'on se rend compte qu'il n'en avait pas assez. Et du coup, dans ces cas-là, qui est avantagé? Ce sont ceux qui peuvent stocker, les grands négociants, les grands propriétaires. Et les petits, eux, ont vendu presque pour rien. Et c'est ça, en fait, que dénonce le Parti Socialiste. Et c'est à ça que va servir l'Office du blé, puisque en posant un prix garanti, il évite ce type de fluctuation. Et il s'appuie sur le développement de tout un réseau de coopératives. Donc c'est vraiment une des clés. Et ces offices agricoles, dont l'office du blé est le pionnier, vont servir jusqu'aux années 80, jusqu'à François Mitterrand, mantra de la politique agricole socialiste, comme le moyen de tout solutionner, mais évidemment, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des revendications paysannes, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, les revendications paysannes du XXe siècle à travers le portrait d'un ministre paysan, d'un paysan ministre, c'est Tanguy Prigent. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Ridan qui chante l'agriculteur dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras, avec aujourd'hui à la technique Cindy Le Grumelec. Dans le cours de l'histoire, nous intéressons aux revendications paysannes du XXe siècle et nous nous reposons sur un destin, un parcours, celui de Tanguy Prigent, paysan, puis ministre, mais ministre paysan, une figure essentiel pour comprendre l'évolution du monde paysan, parce que il est né en 1909, il meurt en 1970, et puis il a une action militante, il traverse cette mutation profonde que connaît le monde paysan au XXe siècle. Dites-nous, Christian Boujard, il y a aussi un engagement essentiel dans la vie de Tanguy Prigent, c'est celui qui a lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc 1940, Tanguy Prigent fait des choix essentiels. Comment il se positionne à ce moment-là? Alors en 1940, Tanguy Prigent a été mobilisé. Il a d'ailleurs même été blessé sur le front. Il fait partie des 80 parlementaires français qui refusent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Et soulignons qu'il y a 7 parlementaires finistériens parmi les 80, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel, dont les deux socialistes. Très vite, il reprend contact avec ses camarades socialistes pour tenter, alors progressivement, de réorganiser le parti dans la clandestinité. Et ce qui est tout à fait remarquable et assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il engage immédiatement une opposition légale contre Vichy, contre la corporation paysanne et contre, je dis, son grand ennemi, entre guillemets, Butte de Guébriand de Landerneau, qui est en fait à la tête de la corporation. Il va publier jusqu'en 1942 un bulletin mensuel où il dénonce clairement Dorgère, par exemple, et les membres de la corporation. Alors on peut s'interroger sur la raison qui fait que ce bulletin diffusé au-delà de la Bretagne et pu paraître jusqu'en 42. L'hypothèse que j'émets, c'est que d'une certaine façon, les Allemands qui occupent Morlaix, et qui d'ailleurs l'ont arrêté comme maire en 1940 à cause d'incidents sur sa commune, autorisent cette publication contre Vichy, en jouant sur les contradictions de ce point de vue-là. Et en même temps, à partir de 41 et surtout de 42, Tanguy Prigent est l'un des organisateurs en Bretagne et ensuite au niveau régional du mouvement de résistance Libération Nord, qui est proche des socialistes ou animé par des socialistes, au point que en 1944, quand il devient clandestin, il participe à la mise en place dans tout le Grand Ouest, dans 19 départements de l'Ouest de la France, mise en place des comités départementaux de libération. Donc Tanguy Prigent, socialiste résistant, avec une évolution évidente, et vous l'avez rappelé, hein, Christian Boujard, le choix de ne pas voter les pleins pouvoirs à Pétain, qui est un acte extrêmement fort. Édouard Lynch, si nous évoquons ce monde paysan durant ces années noires, durant l'État français, où Pétain insiste sur l'importance du monde paysan dans un souci, alors peut-être idéologique ou de propagande, il y a beaucoup de propagande là-dedans, mais c'est vrai que ces années-là sont essentielles aussi pour l'image du monde paysan ou le regard porté sur ce monde paysan. Oui, c'est un moment de basculement extrêmement important dans l'histoire de la paysannerie, justement parce que toute cette idéologie de la terre liée à une certaine forme de conservatisme, aux valeurs que le régime de Vichy va porter à son paroxysme, va d'une certaine façon révéler son échec, hein, à la fois son échec politique dans la collaboration avec l'Allemagne, et puis une certaine forme d'échec économique, parce que on peut pas dire que la politique du retour à la terre était un grand succès. La France crève de faim, et elle va crever de faim encore jusqu'en 47-48, et le pauvre Tanguy Prigent, qui sera ministre aussi du ravitaillement, en fera l'expérience. Et du coup, ce basculement a très clairement pesé dans ce que qu'on pourrait appeler une forme de déverrouillage de la modernisation qui apparaît après dans les années 50 et les années 60. Il y a vraiment ce constat d'échec. Alors après, c'est très difficile aussi de travailler sur cette période. En tout cas, il y a finalement peu de chercheurs, hein, qui ont travaillé sur cette question, parce que justement la paysannerie apparaît plutôt comme un espace protégé, privilégié, hein, parce que ils n'ont pas ces problèmes de ravitaillement, ils vendent leurs produits agricoles au marché noir, au marché gris, donc les choses se posent plutôt bien. C'est vrai qu'il n'y a pas une résistance paysanne en tant que telle, et je crois que à ce point de vue, évidemment, Tanguy Prigent est exemplaire, et si on le retrouve au ministère de l'Agriculture, c'est qu'il n'y avait pas grand monde à gauche du côté des non-communistes qui pouvait tenir ce rôle, parce que l'engagement n'a pas été évident. Alors, on observe des formes de résistance à la corporation, des formes de retrait, notamment des organismes de répartition, des actes de résistance, ça bien sûr, dans l'aide aux militants, dans la sauvegarde des familles, etc. Mais c'est vrai que c'est une période complexe, de laquelle la paysannerie ressort avec une très mauvaise image. Ça, c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que en 1944, moi, j'ai pu consulter des relevés d'interception de communication téléphonique, etc. Et on dit très clairement, les paysans sont doublement discrédités, à la fois parce qu'on les accuse évidemment d'être des affameurs, ça, c'est classique, et puis aussi parce qu'on dit, mais regardez, le régime les encense, le régime en fait les piliers, et pourtant, on crève de faim, et il faudra du temps pour, d'une certaine façon, remonter la pente du point de vue de l'opinion. De l'opinion. Christian Boujard, justement, c'est le 4 septembre 1944 que Tanguy Prigent devient le ministre de l'Agriculture. Il apprend la nouvelle par la radio. Quand vous écoutez tout ce que dit Édouard Lynch sur l'image très sombre que peut avoir le monde paysan après avoir été mis en avant par l'État français, quelle situation trouve Tanguy Prigent? Donc en 1944, il y a tout à réorganiser. Oui, l'économie française est ruinée par le pillage des Allemands. D'ailleurs, les prélèvements agricoles de l'occupation, soutenus par la corporation paysanne, ont aussi discrédité le régime auprès d'une partie de la paysannerie. Alors, Tanguy Prigent va s'attaquer à la reconstruction agricole, et la priorité, c'est bien sûr de tenter de nourrir les Français. Et là, il y aura effectivement des cruelles désillusions, on l'évoquait tout à l'heure, parce que les récoltes qui suivent vont être mauvaises, notamment en 1946, et il va falloir, enfin Tanguy Prigent et le gouvernement vont devoir réduire la ration de pain. Oui. C'est-à-dire que fin 45, on avait supprimé la carte de pain, avant les élections d'ailleurs, non seulement il faut la rétablir, mais il faut la diminuer. Si bien que en 1946, par exemple, Tanguy Prigent est accusé ou est prénommé Tanguy Prive-Jean. Il y avait eu Ramadiette pour Ramadier, parce que les socialistes à l'agriculture et un temps au ravitaillement, personne ne veut de ce ministère d'ailleurs, sont en première ligne. Et juste pour préciser, à la fin de 1947, la ration de pain est réduite à 200 grammes par jour et par personne, ce qui est le plus bas depuis le début de la guerre. Et on en rend responsable Tanguy Prigent, y compris d'ailleurs Vincent Auriol, le président de la République socialiste. Oui, c'est donc ça. La dernière année est difficile pour lui. Et surtout dans ce moment de l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a une volonté de réorganiser la France et donc de réorganiser ce monde paysan qui connaît des transformations, ne serait-ce que par les améliorations techniques. Édouard Lynch, dans les années 1950, il y a toujours des revendications paysannes, mais cette fois, elles ont changé de nature. Quelles sont-elles maintenant ? Alors, les choses accélèrent assez rapidement et ce qu'il faut comprendre, c'est l'extraordinaire... alternance de périodes. Vous voyez, dans les années 30, les paysans n'arrivent pas à vendre leur blé. Voilà. Dans les années 40, c'est l'inverse, il n'y a plus rien à manger. Et puis, dès les années 1950, la production repart de façon extrêmement forte et plus forte que dans l'entre-deux-guerres parce que les processus de mécanisation et de productivisme sont en train de s'enclencher. Et on retrouve à nouveau des problèmes de prix. On retrouve des problèmes de prix puisque dès le milieu des années 50, le marché du vin, le marché du lait connaît des difficultés. Donc les agriculteurs redescendent dans la rue pour demander que leur prix suive le prix de l'ensemble des denrées. Et puis on retrouve aussi très vite, dès les années 1960, des problèmes cette fois relativement nouveaux qui sont liés directement à la modernisation. Ça peut être des problèmes fonciers, puisque pour que l'agriculture se transforme, il faut que les terres s'agrandissent. Donc il y a une concurrence sur le foncier extrêmement importante. Donc on se tourne vers l'État pour demander que l'État intervienne sur le marché foncier, ce que fera le gouvernement Debré avec les SAFER. Et on demande également que l'État intervienne dans l'organisation des marchés. Alors pas tout à fait sur le modèle de l'Office du blé, le général de Gaulle n'est pas non plus un grand interventionniste, mais par des mécanismes de soutien des prix qui vont jouer un rôle très important. Donc on retrouve un très grand classique finalement désormais de l'engagement agricole, c'est la question des revenus. Et cette question des revenus, elle est d'autant plus criante que la société française est en pleine expansion, c'est le début de la production et les paysans ont l'impression d'être des laissés pour compte. Oui, ils sont laissés pour compte alors qu'ils produisent énormément, qu'ils nourrissent le pays, qu'ils peuvent même parfois exporter. Nous allons écouter encore une fois Tanguy Prigent. Alors cette fois-ci, c'est Tanguy Prigent qui nous est lu par Tatiana Werner. Tanguy Prigent, dans un ouvrage intitulé « Les maîtres de la vanité », c'est un recueil en fait de ses textes. Tanguy Prigent qui écrivait en 1969, c'est-à-dire un an juste avant sa mort, comme un bilan en fait, une réflexion de ses 35 dernières années. Pendant 35 ans, j'ai fait sale comble. Mais au prix de telles concessions que je n'ai plus grand-chose à dire au public, ni même à mes proches. Faut-il que ceux-ci soient indulgents et affectueux ou médiocre, pour avoir applaudi jusqu'au bout l'homme plus que médiocre que j'étais devenu. Car je la hais, moi, cette simplicité dont mes amis me font gloire. Les camarades qui, comme moi, ont été privés d'études supérieures, comprennent très bien que je souffre en relisant mes articles, mes notes, etc., d'où l'essentiel est toujours absent, et dont me frappe l'opacité, les vices de raisonnement, les lacunes. Et ce sont mes amis intellectuels, comme par hasard, gavés de culture jusqu'à la prendre en grippe, ou parce qu'ils n'ont pas su s'en montrer tout à fait dignes, qui saluent régulièrement dans ma prose un naturel, une spontanéité, une élégance, une pureté de style qui ne doivent rien, heureusement, à la prétendue culture qui s'enseigne à la Sorbonne. Leur dithyrambe, supposée me flatter, est d'ailleurs parfaitement sincère, me semble, à vrai dire, relever d'une mentalité fasciste. Et je respecte, quant à moi, la Sorbonne comme l'une des mystérieuses autorités auprès desquelles, essayant d'écrire mes mémoires, je m'excuse de ma maladresse, à grand renfort de majuscules et de guillemets. Tanguy Prigent, qui a été militant socialiste, militant pour le monde paysan, et puis ministre de l'Agriculture

Sans parler des fards et des couleurs qui ornent les yeux et les joues d'Elagabal, c'en est trop, et sa chute, ou plutôt son massacre par l'armée, apparaît tout à fait salutaire aux yeux des partisans de la sobriété républicaine, à laquelle il n'a jamais voulu se conformer, malgré les conseils avisés de sa grand-mère, inquiète du qu'en dira-t-on, et qui avait bien raison. Elagabal avait pourtant pris les devants et, par prudence, pour habituer les élus du Sénat à la nouveauté de sa mise exotique, il avait fait envoyer son portrait avant de faire son entrée à Rome, en vain. Agnès Béranger souligne malgré tout qu'en dehors du clinquant de ses tenues, de ses frasques sexuelles, ses innovations religieuses discutables, son goût pour le meurtre et pour la danse en public n'ont rien arrangé à la situation de celui qui resta sourd au code moral de son empire jusqu'à sa chute précoce. Merci Anaïs pour cette visite dans la garde-robe d'Elagabal. Oui, ça donne envie, hein. Allez, pour retrouver le journal de l'histoire, c'est sur notre site franceculture.fr. Édouard Lynch, vous avez étudié les insurrections paysannes tout au long du XXe siècle et vous avez bien vu comment elles ont un écho politique évident. Est-ce que, là, nous approchons des élections municipales, vous sentez que l'intérêt porté dans le discours politique au monde paysan est en train de s'estomper ou alors il est toujours présent? Vous allez me dire, c'est les municipales, ça doit dépendre énormément d'où l'on se trouve. Oui, tout à fait. Les campagnes électorales locales ne sont pas vraiment propices à traiter ces questions qui intéressent largement le niveau national, voire le niveau européen. En revanche, je pense que plus que par le passé, les tensions actuelles que traverse le monde rural et notamment la réactivation ou même la création de nouvelles relations très tendues entre les villes et les campagnes autour des questions de pollution, d'environnement, etc. sont en train de transformer ce rapport. C'est vrai que les paysans et les agriculteurs qui sont plus très nombreux, hein, il faut pas rêver, donc ils pèsent plus grand chose dans les conseils municipaux. Mais je pense qu'aujourd'hui ça réactive beaucoup plus parce que les politiques menées par les maires, on le voit dans les arrêtés d'interdiction de pesticides, etc. Ça devient vraiment un enjeu. Et je pense que ça va revenir dans l'actualité. Bah, c'est essentiel, hein, parce que même s'ils sont moins nombreux à travailler, à représenter une part de la population qui travaille, ce sont eux qui s'occupent de l'ensemble du terrain. Et donc, notre France est faite par nos paysans. Merci beaucoup, Édouard Lynch. C'était le cours de l'histoire, une émission qui est programmée par Amélie Perrault, à réécouter sur le site internet le cours de l'histoire à franceculture.fr ou bien en balado-diffusion. Demain, oui, nous allons parler de la viande. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la bidoche.